C'est vrai que et ça la kata on se moi pas si mingi peut-être bazaranandenga ko bunga, mais il faut te respecter ka ba maman, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa religion, quel que soit son âge, parce que ba maman bazar très très très important dans la vie. C'est pourquoi je dis toujours que là où il y a la femme, il y a la paix du cœur. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme. Donc la femme est notre compagne de tous les jours. Mais le papa, on ne vous oublie pas. Alain Lito, on ne t'oublie pas. Bien que tu sois papa plusieurs fois, mais on ne t'oublie pas. Dolito, Boussaniote, merci. Merci.